Document 3, page 70. 1. On a bien mangé au mariage de Luc et Sophie. Ils ont fait un repas au restaurant ou à la maison ? Au restaurant, bien sûr. Et après, on a dansé toute la nuit. 2. Tu as fini de préparer le repas ? Presque. Et toi, tu as mis la table ? Oui, bien sûr. Tu as choisi quelle nappe ? La blanche. 3. Ah, Sylvie, tu as dîné avec ta sœur hier soir ? Oui, et son mari a dormi sur le canapé. Vous avez trop bu ? Oh, moi, tu me connais. Je n'ai pas bu, mais lui... 4. Tu as goûté la salade ? Non, pourquoi ? Je crois que tu as oublié le sel. Mais Bruno, je n'ai pas fait la sauce. 5. Quel dessert tu as acheté pour les invités ? J'ai pris une tarte aux pommes. Et tu as acheté des verres ? Quel verre ? Tu sais bien qu'on en a cassé ! Ah, zut ! J'ai oublié !